maman, ton fils est amoureux. Allez, Philippe Bertrand, un extrait de son album De là-haut. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde, bonjour Orléans. Bienvenue sur Arc-en-Ciel, merci Philippe. On a écouté Mamma Mia, oui. Un extrait de ton album De là-haut de Philippe Bertrand, c'est l'actualité. Alors, pourquoi De là-haut? Pourquoi tu chantes l'amour? Pourquoi tu chantes maman? L'album De là-haut, c'est un hommage à ta maman qui est partie trop tôt et tu as voulu lui rendre hommage avec cet album qui s'appelle De là-haut. Oui, je voulais la faire briller et Dieu sait si elle brille maintenant un peu partout dans le monde grâce à mes chansons. Et je voulais rendre un hommage à ma maman, mais aussi à toutes les mamans qui partent là toujours trop vite. Et d'où le titre de cet album. C'est d'ailleurs une chanson extraite de l'album, De là-haut. Et voilà, De là-haut est le titre de cet album. Et Mamma Mia est d'ailleurs la seule chanson rythmée de cet album. Donc c'est très bien de l'avoir choisi en entrée d'interview finalement, parce que ça m'a un peu guetté, parce que ce n'est pas un album forcément qui était très fun, puisqu'il est dédié à une personne qui est partie. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir mis en premier titre Mamma Mia, qui est une chanson populaire, je chante un peu partout d'ailleurs. C'est cette douleur de perdre votre maman qui a généré la création finalement, qui a, comme beaucoup d'artistes le disent souvent, c'est souvent dans la peine qu'on est le plus productif. C'est ça qui a déclenché malgré vous l'écriture de ces chansons. Oui, absolument. Oui, c'est j'ai un parcours atypique puisque je suis de la DAS et que j'ai été adoptée. Oui. C'était quelque chose que ma maman ne voulait pas parler, parce qu'elle a tout fait évidemment pour ne pas qu'on nous remarque et qu'on nous montre du doigt quand on est enfant et qu'on puisse dire ce sont des enfants de la DAS dans la cour de l'école. Donc c'est vrai que tant qu'elle était là à mes côtés, on parlait très peu de ça. Et maintenant j'ai besoin effectivement d'extérioriser tout ce parcours qui est un parcours vraiment tout feu, tout flamme, fait de très haut et de très bas, de montagnes russes, parce que bon, c'est très compliqué quand on est abandonné évidemment à la naissance de pouvoir se grandir dans des conditions normales. Alors quand on a reçu beaucoup d'amour, c'était le cas avec ma maman, c'est vrai que c'est absolument génial, et à la fois quand la personne s'en va, c'est un véritable cataclysme, c'est un double abandon pour moi, le fait de perdre ma mère. Et c'est un jeune auteur-compositeur qui m'a écrit cette chanson, qui est une chanson originale qui ouvre cet album. C'est une chanson qui a fait tout démarrer, et puis d'une traite, sans me poser aucune question, j'ai évidemment enregistré d'autres chansons dans cet album qui sont ce qu'on appelle des covers, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a cette ligne directrice qui est effectivement l'amour que je porte toujours à ma maman, évidemment, et qui me booste. Mm-hmm. Et voilà, je suis très fier de l'avoir fait, d'avoir fait ça avec le cœur, sans me poser de questions, de savoir si j'allais être formaté, si j'allais passer ou pas en radio avec cette chanson qui est une chanson en piano-voix toute simple, mais qui, avec les bons mots, justement, voilà. Vous jouez vous-même, vous accompagnez vous-même au piano? Moi, je joue du piano, effectivement, et mais je n'ai pas la capacité de d'être sur scène avec un piano. Je n'ai pas évidemment, je fredonne, je pianote, d'accord, on va d'accord, dire. D'accord, voilà. D'accord. Mais moi, je propose qu'on écoute tout de suite, justement, le morceau numéro 1 qui s'intitule tout simplement Maman, un extrait donc de votre album De là-haut, tout de suite sur Arc-en-Ciel. Moi, je n'étais pas là, et déjà tu m'aimais, maman. Les mots n'existaient pas, y avait même pas d'avant. Pourtant, tu savais que j'étais le cœur qui désormais tout le temps. Rythmeur était printemps jusqu'à la fin des temps. Maman, je suis né un matin et déjà dans tes mains, maman. La vie avait des yeux, couleur de mes yeux bleus d'enfant. J'étais bien, j'avais faim, je croyais en demain, souvent. Tu jouais à mes jeux, on était tous les deux. Maman, tu m'as appris l'amour sans attendre en retour. Maman, les regrets et les peurs, les petits mots du cœur, le sang, les sourires que as fait de ma vie le plus beau de tes jours. Maman, moi je ne savais pas qu'être seul dans tes bras, maman, n'avait qu'un temps, pourtant nous étions d'innocents amants. Tu étais mon printemps, nous nous aimions tant et tant, que respirer sans toi c'était mourir cent fois. Maman, tu m'as pas vu pousser, t'as pas vu mes années. Maman, mes regrets, mes soupirs, mes rires, mes délires d'enfant, lentement s'évanouir et fleurir au plaisir des grands. Tu m'as pas vu fouler notre amour sous nos pieds, maman. Philippe Bertrand de la Haut, donc quel bel hommage tu as fait à maman quand même là, c'est quelque chose de merveilleux. Ah oui, c'est quelque chose qui touche les gens, oui. Et au fond quand je l'ai enregistré, je ne me suis posé aucune question et je ne pensais pas qu'elle allait toucher autant de gens sur YouTube, et puis voilà, la chanson s'envole et aujourd'hui elle n'est plus vraiment à moi, elle appartient aux gens, et on se retrouve tous ensemble sur mon Facebook avec... cette même douleur qu'on ne cultive pas, mais c'est plus un hommage en fait. Est-ce que c'est elle qui vous a mis le pied à l'étrier justement en musique ? Absolument en fait, absolument, puisque quand j'avais 5 ans, j'ai vécu des choses assez dramatiques. Mmh. Ma famille biologique a voulu me reprendre sans prévenir qui que ce soit. Ils ont débarqué un soir à la maison pour un enfant de 5 ans, évidemment. J'ai été projetée... dans le monde des adultes très tôt, oui. Et j'ai très vite perdu mon inconscience, ma spontanéité d'enfant, et j'ai commencé à chanter en fait. Et je crois que j'ai dû trouver refuge dans les 45 tours et l'électrophone que ma maman avait, et c'est elle qui a découvert que je chantais. D'accord. Et mon père ensuite a enchaîné en me plaçant dans des concours de chant dans la région où je vivais, en Champagne-Ardenne, à Reims, à côté de Reims. Vous êtes chalonnais d'adoption ? Moi j'ai vécu à Chalon, j'ai travaillé à Chalon, et puis je suis né en fait à Sedan dans les Ardennes. D'accord. Je suis ardennais. C'est un sanglier. Alors justement, quand on parle d'un album aussi joli que le tien, hommage à maman, comme ça, spontanément, si je te demande moi de me sortir une anecdote, mais que toi seul et maman connaissent, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait savoir ? Parce que c'est aussi un bel hommage de dire à maman des choses qu'on lui a jamais dit, une petite anecdote, un petit plaisir que tout de suite ça te fait penser à maman ? Mais tout me fait penser à ma maman. Oui. De répondre à une question comme ça. En fait, elle est là en permanence, elle est dans mon bureau où je travaille, elle est en permanence partout dans mes actions à l'étranger, en France. C'est difficile de répondre à une question comme ça parce que des personnes m'écrivent ou des gens de mon entourage me disent qu'elle m'habite. Et je crois que c'est vrai, à partir du moment où elle est partie en 2014, elle m'habite depuis. Et c'est elle qui me guide. D'ailleurs, quand je prends une décision, etc., si j'ai un doute, je l'entends me parler. Donc, s'il y a une anecdote, c'est sans doute le fait qu'elle me parle en permanence. Elle me conseille, elle est en permanence toujours là. Je crois vraiment, et c'était François Mitterrand qui l'avait dit, on lui posait la question après la mort, il disait, écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, les religions, etc., mais je crois en la force de l'esprit. J'avais trouvé cette réponse de François Mitterrand très, très jolie, très belle. C'est exactement comme ça que je la résume. Et que vous la vivez, finalement. Oui, absolument. Justement, la musique vous a conduit dans des destinations lointaines, étrangères, notamment les États-Unis ? Oui, je vis en fait entre deux pays. Enfin, je vis où je peux. Je vis où je peux, surtout parce que les gens me posent la question. Oui. Quand je suis en France, on me dit que je vis aux États-Unis. Quand je suis aux États-Unis, on me dit que je suis Frenchie. Je crois que je vis surtout dans des valises, parce que la musique, effectivement, je l'emmène aux États-Unis où j'ai le privilège de pouvoir chanter, effectivement. Qu'est-ce qui vous plaît aux États-Unis ? Le professionnalisme, le fait que les gens vous écoutent. Par exemple, actuellement, je prépare un album en anglais. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, en France, j'ai plus de difficultés à trouver des titres. En Amérique, les gens ne disent pas, voilà, Philippe Bertrand, c'est un chanteur romantique, etc. On me propose des titres rock et les gens sont ouverts. c'est cette ouverture d'esprit et ce professionnalisme, mais aussi le fait que, bon, lorsqu'on chante Barbara, par exemple, Mon enfance, ou Léo Ferré, La vie d'artiste, etc., ou Piaf, il y a une telle reconnaissance de la part des Américains vis-à-vis de tout ce qui touche à la France. Oui. Pour moi, j'avoue que c'est un grand bonheur de repartir. D'ailleurs, je repars la semaine prochaine aux États-Unis. D'accord. De chanter aux États-Unis, c'est un vrai bonheur pour moi. Quand vous vous posez aux États-Unis, vous vous posez où ? Je vis en fait à Miami. Je vis juste à 40 minutes de Miami et je vais poser mes valises la semaine prochaine pour une dizaine de spectacles à nouveau. D'accord. Et je vais revenir en France début juillet. Et quand vous chantez là-bas, vous chantez en français ? Alors en fait, je chante en anglais et en français. Je fais un mix parce que c'est vrai que les Américains n'attendent absolument pas, et c'est peut-être ce qui fait ma force, de chanter une pâle copie de Whitney Houston, etc. Et ça, ils veulent pas du tout, en fait. Ils attendent le français, le Frenchie, comme ils disent. Ils attendent de lui Piaf, ils attendent Barbara, ils attendent La vie d'artiste, par exemple. Que beaucoup travaillent au piano quand ils commencent le solfège. Oui. Comme quoi, donc voilà, nous on attend effectivement, on attend surtout de la chanson française. D'accord. Alors finalement, pour aller à l'encontre de ce qu'on voudrait bien croire dans l'ambiance actuelle, hein, dans la tendance plutôt du moment, finalement les Français sont plutôt bien vus aux États-Unis ? Ah oui, oui, oui, non, non, mais vous savez, il faut parce qu'on essaierait plutôt de nous faire croire l'inverse en ce moment. Ah non, pas du tout. Alors là, ça c'est complètement faux. Et puis je voyage à travers les États-Unis, oui. Puisque j'ai chanté aussi à Boston, etc. Bon, j'ai de la famille à Boston, donc c'est vrai que les États-Unis, tout ce qui touche à la France. Oui. Voilà, il y avait encore dans ma région, parce que je vis à Cahors, un journaliste de New York Times dernièrement qui était là pour un article qui va y avoir sur le vin dans le Lot. Ah. Non, le vin, la nourriture, la musique, la mode, etc. Même si les temps sont incertains actuellement dans le monde, la France reste quelque chose qui brille. Qui brille. Mais c'est joli de l'entendre de vous, puisqu'en plus vous avez une expérience réelle et vous vivez là-bas. Donc, oui, puis vous savez, le patriotisme, etc. Là-bas, moi je suis touchée à chaque fois de voir des gens. Il y a une communauté française importante à Miami, évidemment. Mais d'accord. Ce sont surtout. Moi je ne cherche pas à donner des spectacles dans des lieux français. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est toucher le cœur des Américains. Grâce à notre patrimoine. Bravo. Alors moi, Philippe, ce que je te propose, c'est de choisir un morceau que tu as envie d'écouter comme ça tout de suite de ton album. Faire découvrir aux auditeurs un morceau que on n'a pas l'habitude d'entendre en radio. Alors en fait, il y a une chanson qu'on n'entend plus beaucoup qui s'appelle De là-haut, qui est le titre de l'album. Oui. Une reprise de Thierry Amiel. Il y a cette chanson que j'aime beaucoup. Il y a aussi une autre chanson qui est originale et qui s'appelle Et le ciel peut t'attendre. Voilà, qui est une chanson de Thierry Brenner et Paul Glaser. Eh bien, comme tu veux, tiens. Eh ben, on va écouter tout de suite De là-haut, puis on aura juste après Et le ciel peut t'attendre sur Arc-en-Ciel. De là-haut, extrait de l'album Philippe Bertrand sur le 96.2. De ce temps-là, je ne guide plus mes pas. De ce temps-là, je sais que je vais, mais ne marche pas. Si là où il t'emporte. Je ne rêve qu'en noir et blanc, mes souvenirs se mêlent de sang, et pourtant je me lève pour faire semblant de vivre comme un. Un extrait de l'album de Philippe Bertrand qui est avec nous au téléphone. Alors déjà, où est-ce qu'on peut retrouver ton album, Philippe, l'album qui se nomme De là-haut, je répète? Eh bien, en fait, il est disponible sur mon Facebook et on est en train de construire un site internet parce qu'en fait, tout ça m'a emporté, c'est le cas de le dire. Oui. Et donc, on est en train de créer un site web pour le mettre en ligne. Et puis, il sera également, je travaille sur le nouvel album, donc tout ça va être en ligne sur les différentes plateformes, en fait. D'accord. Et alors, donc, est-ce qu'il y a eu d'autres albums avant, après? Voilà, il faut aussi savoir un petit peu parce que c'est pas le premier album de Philippe Bertrand. J'en avais enregistré un en 2004. D'accord. Et d'ailleurs, les gens qui me suivent maintenant sur Facebook essayent de le récupérer par tous les moyens. J'ai d'ailleurs vu des gens qui le vendaient jusqu'à 50 euros. Alors ça me choque toujours autant. D'accord. Mais bon, voilà. C'est un album que je souhaite rééditer pour éviter, évidemment, entre guillemets, un éventuel marché noir. Ce sont des chansons et les chansons, on les partage. Voilà. Donc, en fait, en 2004, j'avais enregistré un premier album qui s'appelait Les Chemins Interdits et qui était un album que j'ai un peu emmené partout dans les différents cabarets de la capitale parisienne à l'époque. D'accord. Et voilà, et c'est le deuxième et puis on prépare le troisième. Il va falloir que tu nous l'envoies déjà le premier parce qu'on ne l'a pas alors. Avec plaisir. Qu'on puisse diffuser. Il y avait beaucoup de gens importants qui avaient travaillé sur cet album. J'avais réussi à mobiliser des gens parce que j'étais à Paris à l'époque. D'accord. Je chantais depuis un an dans un cabaret qui était très connu, qui n'existe plus maintenant, qui était le Piano Zing. Et en fait, grâce à ce spectacle qui avait fonctionné plus d'un an, oui, on avait enregistré un album avec Léonard Raponi qui a travaillé avec les plus grosses pointures, Sardou, etc. Et puis il y avait aussi les auteurs, compositeurs d'Hélène Ségara qui avaient écrit. D'ailleurs, c'est le titre de l'album Les Chemins Interdits. Il y avait également Eric Frasia qui, lui, était aussi un vrai artiste, un vrai de vrai. Il retourne et rechante enfin. Il a une radio dans la Meuse. Enfin, il y avait plein de gens qui avaient participé à cet album. Ouais. D'accord. Est-ce que justement, par rapport au deuxième album, là, revenons sur De là-haut, ça n'a pas été difficile de choisir 11 titres pour l'album pour correspondre à Maman? Est-ce que c'est des titres que Maman, elle aimait bien aussi? Ou comment t'es venu le choix de ces chansons? En fait, en une nuit, en fait, j'ai réuni les chansons. D'accord. Par rapport à ce que j'avais vécu. Et quand on écoute, évidemment, cette chanson très connue de Nicoletta, Mamie Blue, voilà, bien, l'histoire raconte mon histoire, ma propre histoire. Elle raconte évidemment l'histoire de milliers de gens, mais il me fallait des chansons qui racontent mon histoire. Donc la première décision était de trouver des chansons qui racontent mon histoire. Et voilà, donc c'était très vite dans le choix, en fait, parce que je ne suis pas quelqu'un de besogneux. Il faut que les choses arrivent très vite. Je vis les choses à l'instinct, un petit peu comme un animal. Et si je commence à réfléchir, à analyser d'une manière rationnelle, alors c'est pas bon pour moi, ça. Il faut que j'agisse d'une manière instinctive. D'accord. C'est vrai que je les ai choisies comme ça, en fait. C'est aussi pour ça qu'elles vous ressemblent tant. Oui, je pense que je suis quelqu'un de. Je pensais en vieillissant qu'on était beaucoup plus. Qu'on s'endurcissait, qu'on prenait du poil de la bête. C'est alors complètement l'inverse. Alors donc, plus je vieillis et plus je suis émotif, je deviens une vraie éponge. Tout m'interpelle, Alors quand on est artiste, j'ai cette chance de pouvoir chanter, d'évacuer les choses sur scène, heureusement. Et de le partager avec le public, justement. Vous allez le partager bientôt avec le public américain, puisque vous allez bientôt vous envoler pour Miami, c'est ça? Oui. Et peut-on espérer vous voir dans les prochains mois et venir vous applaudir en France? Oui. J'attends la sortie du nouvel album. Mais alors, ce qui est compliqué pour moi dans ce nouvel album français, c'est de pouvoir, moi je suis quelqu'un de nostalgique et on l'entend dans mes chansons. Alors on dit c'est un chanteur romantique, enfin peu importe, en tout cas nostalgique, ça c'est sûr. Et il faut que j'arrive à trouver un équilibre. C'est la discussion que j'ai actuellement avec mes interlocuteurs, les gens qui travaillent sur le nouvel album, c'est de trouver un équilibre entre des chansons qui déménagent et des chansons un peu plus lentes. Parce que c'est vrai que à un moment donné, effectivement, si on m'écoute, moi je voulais faire un album en piano voix. Oui. Alors évidemment, ça va pas être encore très très fun tout ça. Donc je suis en train de travailler, d'essayer de trouver un équilibre. Et puis ensuite, ouais, effectivement, je vais chanter en France. Il y a des projets, il y a un projet à Paris entre autres pour l'hiver prochain. Voilà, pour l'hiver prochain. Et il y aurait la sortie d'un troisième album. Oui, pour la sortie de ce nouvel album, effectivement, je vais chanter en France parce que je chante déjà en France. J'offre des spectacles en France très régulièrement ici à Toulouse, où j'habite. Oui. Et d'ailleurs, des gens m'appellent et j'ai plaisir aussi à offrir des spectacles. Parce que c'est vrai que parfois, il faut avoir un minimum de générosité. On ne chante pas seulement pour rentabiliser, quoi. On chante surtout pour partager. Et il m'arrive de chanter. J'ai offert dernièrement un spectacle dans une maison de retraite importante ici où j'habite. Et ça a été, ce sont des moments vraiment, ce sont des moments qui me relient à ma maman. Et voilà, moi j'ai ce privilège de travailler beaucoup, donc, et aussi ce privilège de pouvoir offrir des spectacles. Et ça, j'avoue que c'est un grand, grand bonheur aussi. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire, c'est que l'album là, que tu viens de sortir de là-haut, c'est pas la rentabilité, c'est le cœur qui parle. Et ce que tu voulais, voilà, c'était sortir quelque chose, rendre un hommage à maman. Et comme on dit, hein, peu importe l'argent que ça coûte, c'est un grand plaisir, un hommage que tu as voulu rendre. Et quel bel hommage! Tu lui rends avec toutes ces chansons vraiment qui correspondent à maman, qui correspondent un petit peu à cet univers-là. Et moi, je voulais te demander, dans toutes les chansons là, que tu interprètes sur cet album, est-ce que, par exemple, hein, quand tu dis Mamie Blues de Nicoletta, la chanson Mamma Mia de François Valéry ou d'autres, est-ce que les artistes à qui, entre guillemets, appartiennent ces chansons-là sont au courant que tu as repris leurs chansons? Est-ce que, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont bien aimé ta reprise? Ils le sont forcément parce que il y a les droits d'auteur. Bien sûr, oui. Donc ils ont évidemment, on a les droits d'auteur, la fameuse, on va pas entrer dans les détails, fameuse SDRM à régler avant de produire un album. Et je n'ai pas eu de réaction j'adore François Valéry, moi je suis de cette génération. Et puis de toute façon, que je la défends, cette génération de chansons populaires. Et d'ailleurs, quand on descend dans la rue et qu'on demande à quelqu'un de fredonner l'été indien ou une chanson d'Hervé Villard, ils le font immédiatement. Donc, ce qui prouve à quel point ces chansons sont dans le inconscient collectif. Bien sûr. Et aussi, mais je n'ai pas eu de réaction. Non, je n'ai pas eu de réaction, mais je n'ai pas envoyé les albums aux intéressés non plus. D'accord. Alors, bon, c'est peut-être c'est quelque chose à faire, justement. D'accord. Alors, je rappelle, De là-haut, c'est l'album donc, de Philippe Bertrand. Philippe Bertrand, donc, qu'on peut retrouver sur Facebook. Pour commander cet album-là et bientôt on pourra le retrouver un petit peu partout en vente et surtout le troisième album exclusivement en anglais. Il aura quelles consonances plutôt romantiques encore, quelques ballades au niveau anglais, quelques la pop, tu vas ramener quelques couleurs anglaises? Non, c'est un album pop rock en fait. D'accord. Et avec des titres originaux, il y aura des titres lents et des titres rythmés. On a décidé du listing des 12 chansons hier justement avec l'équipe aux États-Unis parce que j'avais relevé une vingtaine de chansons, j'avais retenu une vingtaine de chansons et c'est surtout l'ancien guitariste de Paul McCartney qui a écrit les titres de cet album. Et c'est quelqu'un qui m'avait écouté aux États-Unis. Il était aux États-Unis dans un des spectacles que j'ai donné et en fait il est venu me voir à la fin du spectacle et voilà, donc on a discuté, puis de là il y a eu ce projet. Il y a 3 ou 4 chansons de Bill qui vit à côté de Londres et qui a écrit des chansons, donc c'est génial. Moi j'ai hâte d'enregistrer. Alors je travaille actuellement la prononciation, etc., même si j'ai envie de garder quand même cet accent un peu frenchy qui fait ma différence aux États-Unis. Je ne veux pas un anglais qui soit, évidemment je parle des langues, mais un anglais qui soit parfait. Il faut laisser quelques incorrections. Voilà, c'est surtout un album orienté country, pour tout vous dire. Voilà. Eh ben, un grand, grand merci à toi, Philippe. Et puis bon courage pour la suite. Puis, promis, hein, tu nous envoies le premier. Et dès qu'il y a des nouveautés sur l'autre, on diffusera aussi. On sera heureux de te retrouver quand tu nous reviendras des États-Unis avec ce nouvel et troisième album. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'Orléans, j'ai un attachement particulier. Vous êtes à côté, à Fleury-Aubray, mais je sais que les gens vous écoutent sur Orléans également. On s'arrêtait toujours quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances. C'était notre escale Orléans, les châteaux de la Loire, etc. Donc c'est marrant. Je suis content de donner cette interview. Elle a une connaissance un peu particulière. Elle est liée à ma maman, inexorablement. Voilà. Et alors un grand coucou à maman de là-haut. Et pour terminer, moi je pense qu'on doit finir par Mamie Blues, puisque c'est l'histoire forcément qui a créé cet album-là, cette envie de faire l'album, et ton histoire à toi avec maman. Oui. Voilà. Et maman, par contre, on n'a pas dit son prénom. On peut aussi dire son petit nom quand même. À maman, c'était... Oui. Elle s'appelle... Alors là, un nom un peu particulier, mais il y a des anciens noms qui reviennent à la mode, comme Célestine, etc. Maintenant, on les retrouve. Et elle s'appelle toujours Mariette. Mariette. Eh bien, voilà. Donc, on lui fait, Mariette, un gros coucou de là-haut. Et rien que pour Mariette et pour toi, eh bien, on écoute tout de suite sur Arc-en-Ciel, Mamie Blues. Allez, bon courage, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, my name blue. essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.